Psaume 125. Cantique de Mahalot. Ceux qui se confient en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée, et qui se soutient à toujours. Quant à Jérusalem, il y a des montagnes alentour d'elle, et l'Éternel est alentour de son peuple, dès maintenant et à toujours. Car la verge de la méchanceté, ne reposera point sur le lot des justes, de peur que les justes ne mettent leurs mains à l'iniquité. Éternel, bénis les gens de bien et ceux dont le cœur est droit. Mais quant à ceux qui tordent leur sentier oblique, l'Éternel les fera marcher avec les ouvriers d'iniquité. La paix sera sur Israël.